Bienvenue encore une fois dans cette série consacrée à l'islam et particulièrement à la dénonciation de leurs mensonges. En effet, dès la naissance de la secte musulmane au 7e siècle, tant de mensonges va être conçu contre les juifs et les chrétiens. Et dans le Coran, les hadiths, les sunnas et la sirah, puis dans l'histoire des musulmans, on est frappé par une haine visible et claire vis-à-vis des chrétiens et des juifs. Quel esprit peut exprimer la haine ainsi? Nous y reviendrons dans un autre enseignement intitulé « L'esprit qui anime l'islam et conduit les musulmans ». Pour l'instant, nous allons établir dans cet enseignement que la confusion ne doit plus être faite entre la personne appelée dans la Bible Jésus et celle appelée dans le Coran Issa. Dès que cela sera établi, nous constaterons clairement que l'esprit qui rend les musulmans aveugles et confus les dérobe la personne de Jésus afin qu'il soit sauvé. Commençons donc sans plus tarder, voyageons dans le Coran sur les traces de Issa et à chaque fois interrogeons-nous pour savoir si les informations glanées de lui correspondent à celles décrites dans les écritures hébraïques et chrétiennes. Ce faisant, souvenons-nous que le Coran déclare qu'il confirme les livres donnés aux juifs, la Torah et aux chrétiens, l'Injil, dans la sourate chapitre 3, les versets 3 à 4. Et au chapitre, au verset 84 de ces mêmes sourates-là, il déclare que tous les musulmans sont tenus de croire au livre qui était avant. Et de la même façon, vous pouvez effectivement lire dans la sourate, les sourates chapitre 2, les versets 135 à 136. Souvenez-vous, vous pouvez nous contacter au plus 237, plus 237 c'est l'indicatif du Cameroun, plus 237, 6, 94, 01 94 40, le plus 237 encore, 6 75 87 41 21. Et sur Skype, vous pouvez nous contacter à l'adresse Skype Junior. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Et même sur mon Yahoo, vous pouvez nous envoyer des messages, des remarques et nous serons contents de vous recevoir. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. @yahoo.fr. Sur la chaîne YouTube Bamba Iba, Bamba Iba s'écrit B-A-M-B-A, l'espace I-B-A. Également sur la chaîne, sur le site internet www.reveilletoi.besaba.com. Besaba s'écrit B-E-S-A-B-A. Donc, réveille-toi en un seul mot.besaba.com. Prenons une ponctuation musicale, je reviens tout juste derrière, afin de voyager avec vous sur les traces de Jésus et de Issa. Cette chanson en arabe est intitulée « Jésus, je t'aime ». Je la dédie à tous les frères en Christ issus de cette secte appelée l'islam. Je pense au frère Moussa Kone, également à la sœur Hélène Ouattara et sa grande famille. Je salue également ici comme ça la sœur Diara Konate en France et tous les frères dans le monde musulman qui y travaillent dans le champ des missions afin d'avancer le royaume de Dieu. Je prie que le Seigneur Jésus veille sur vous et sur vos familles. Amen. أتبعك ربي Dans Luc au chapitre 2, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, la Bible déclare dans le 8e jour, à partir du verset 27, qu'il vint au temple poussé par l'Esprit. Ça, on parlait de Simon, là, le prophète Siméon. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées, la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Car mes yeux ont vu ton salut. Donc, il dit, ses yeux ont vu le salut de Dieu. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il est écrit dans ce verset 31 que le salut là, c'est Jésus. Effectivement, nous allons comprendre par rapport à son nom aujourd'hui. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Jésus est le salut qui est préparé devant tout le peuple, tous les peuples. Verset 32, lumière pour éclairer les nations. Donc, Jésus, d'après cette prophétie-ci, est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus-Christ est la lumière pour les nations, pour éclairer les nations. Et par la suite, dans ce même verset, Israël, le peuple de Dieu. Le verset 33 dit, c'est là où nous conduisons jusqu'au verset 34, « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, lui Jésus. » Verset 34, « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Amen. Donc, d'après ce verset 34, la prophétie qui est donnée, on dit d'une part que cet enfant, Jésus, va être destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Souvenons-nous dans la troisième partie de la série sur le mensonge de l'islam, j'avais dit que Jésus avait double mission et il y avait un mystère de la chute d'Israël et le relèvement de certaines personnes pour, afin d'avoir, de donner aux nations l'accès au salut. Ici, ce verset, voici un autre verset qui confirme cela. La Bible déclare, je relis encore le verset 34, Siméon l'est béni et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Ça, c'est la première partie, c'est pour Israël. Puis, on dit, lorsque la chute et le relèvement de plusieurs en Israël sera accompli, on dit donc, et à devenir, donc plus tard, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc, nous nous trouvons effectivement avec cette parole-là en toile de fond d'un sujet très important qu'on a toujours abordé et que je vais encore aborder aujourd'hui. Ce sujet est très compétitif dans le monde aujourd'hui. Ce sujet, c'est au sujet du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dont on parle dans la Bible, face au Seigneur Jésus-Christ dont on parle, enfin, le semblant de Jésus-Christ dans le Coran. Nous allons voir donc à la lumière des écritures hébraïques et chrétiennes aujourd'hui, puis des écritures musulmanes aujourd'hui, si la personne qui est appelée Jésus, Yahushua, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est cette même personne de Issa dans le Coran. Souvenez-vous, pour vous qui avez votre Coran, vous allez remarquer que la traduction française est traduite par Jésus, mais nulle part ce n'est pas Jésus, le Jésus de la Bible. C'est ce que nous allons établir aujourd'hui. Donc, dans la version coranique traduite en français, vous allez effectivement voir, pour vous qui avez la version arabe tout juste à côté, vous allez effectivement voir que le mot arabe et là-bas c'est Issa. Nous allons étudier tout cela aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui c'est la suite sur le mensonge de l'islam. Aujourd'hui c'est je vais prouver que Jésus n'est pas le Issa de la Bible. Le Jésus de la Bible n'est pas Issa. Donc avec ceci ça sera clair parce que dans ces prophéties du livre de Luc au chapitre 2 verset 34, Jésus-Christ est destiné à amener la chute et le relèvement au peuple d'Israël et être un signe qui va amener la contradiction. Voilà donc pourquoi, effectivement, pour montrer encore que la Bible est vraie dans sa véracité totale, nous sommes en contradiction donc avec les musulmans. Les musulmans sont en contradiction avec nous parce que les chrétiens ne sont pas en contradiction avec les chrétiens. Ce sont les musulmans qui sont venus 600 ans plus tard pour venir introduire leur mensonge. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se pourrait donc que la personne appelée Issa dans le Coran se confronte et effectivement on voit donc cette confusion qui est dans le monde musulman, dans les pensées. Ils font tout et tout pour établir que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui ont la totalité des messages de Jésus et c'est eux qui connaissent les prophètes et ils ont tous les au nombre de 124 000, y compris comme ça le prophète Issa. Maintenant, et la malignité de ces musulmans là aujourd'hui, lorsqu'ils veulent parler en français ou en anglais, ils parlent de Jesus, ils parlent de Jésus, mais ils ne disent pas Issa de leur bouche parce qu'ils savent à quoi ça se réfère. Nous allons donc étudier le Coran à la lumière de la Bible. Nous allons vérifier effectivement si ce personnage-là est identique, mais d'entrée, je vais établir parce que c'est clair d'après l'enseignement coranique face à la Bible que Jésus n'est pas Issa. Donc c'est ce que nous allons établir aujourd'hui. Nous allons établir ces choses-là et pour cela, suivons donc le CV de cet individu dans la bibliothèque de la mairie musulmane du 7e siècle appelée le Coran. Nous allons prendre le Coran, voir sa naissance, étudier sa parenté, voir le témoignage des juifs par rapport à Issa, puis des apôtres dans le Coran, en comparant à chaque fois donc ce que la Bible en dit. Déjà, c'est établi d'après le Coran dans les sourates 3, versets 59 à 62, sourate 5, verset 116, sourate 19, verset 35, 43, verset 59, les versets 171 et 172 également, les sourates 18, versets 1 à 6, les sourates 112, versets 2 à 3 et tout autre, beaucoup d'autres sourates, sourate 9, sourate 25, 39, 21, 43, sourate 6, les sourates 72 également qui parlent des djinns qui ont confessé que Dieu n'a pas Allah n'a pas de fils, montrent clairement que l'enseignement de l'islam, c'est que Allah n'a pas de fils. C'est pour ça. Il faut qu'on comprenne que Allah n'a pas de fils, c'est ce qui est écrit dans leur écriture et c'est ce qu'ils croient, que Allah n'a pas de fils, il ne peut pas engendrer, il n'a jamais engendré, il n'a pas de compagne pour engendrer. Donc c'est clair dans l'enseignement musulman comme ça. Maintenant, dans la Bible déclare que Dieu, lui, il a un fils, il a même donné le témoignage de son fils. Donc alors maintenant, et il se pourrait donc que le sujet de discussion, c'est effectivement au sujet de ces fils-là. Donc, les deux choses l'une, soit Allah n'a pas de fils et que la personne de Issa, c'est de ça dont il est question effectivement, et que Allah et Dieu ne sont pas les mêmes personnes. Nous allons revenir sur ce cas-là dans un autre enseignement. Bon, suivons donc le CV, lisons le CV de ces garçons donc appelés Issa dans cette bibliothèque-là. Commençons dans la sourate chapitre 19, ouvrons sourate chapitre 19, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Sourate 19 qui est consacré à Marie, à Mariamma. La sourate 19, nous allons commencer dans le verset 16. Je crois que ce serait intéressant là-bas. Commençons dans le verset 16. Suivez attentivement. Je lis dans la version française et à droite de cette version-là se trouve la version arabe. Donc, la sourate chapitre 19, les versets 16 jusqu'à suivant, là où ça va nous arrêter. Mention dans le livre Marie. Quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'est, c'est ce qui est écrit, en un lieu vers l'est, elle mit entre elle et eux un voile. Suivez attentivement. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Là, il s'agit de Djibril. Verset 18, elle dit, je me réfugie contre toi. Auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Verset 19, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Remarquez bien la terminologie que ce Djibril utilise. Il dit, c'est un ange, il dit qu'il est venu faire un don d'un fils pur. Il ne dit pas qu'il vient de la part du Seigneur, Dieu veut faire un don, mais c'est lui qui fait le don de fils pur. Maintenant, il dit qu'il veut faire don d'un fils pur. Or, le mari de la Bible n'était pas stérile. Pas de trace dans le Coran de Joseph, son époux. C'est vraiment bizarre. Donc, vous allez lire le Coran depuis le premier chapitre jusqu'au 114e chapitre. 114e chapitre, vous ne trouverez pas de traces de Joseph, l'époux de Marie là-dedans. C'est un mystère. Il y a un pourquoi pour cela. Pour que vous compreniez effectivement quel esprit d'animer ce Coran-ci. Donc, suivons encore cette tête qui est en train de s'adresser à cette Marie du Coran. Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis point une prostituée ?» Écoutez le langage. Il dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » C'est une affaire déjà réglée. Donc, on parle comme ça de la naissance de Issa. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Vous voyez effectivement que dans le verset 23, on parle du tronc du palmier. Et elle dit, « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. » Alors il est mis ici là pour Issa, il l'appela d'en dessous d'elle. Donc c'est Issa qui sortant du jambe, quoi, de l'appareil génital de Mariama, dit, « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Verset 25, « Secoue vers toi le tronc du palmier. » Donc, il s'adresse comme ça au mari qui souffre de douleur de l'enfantement. Il parle de dessus ses jambes, donc il est en proie aux douleurs d'enfantement. On demande de secouer le palmier. Une femme enceinte avec les douleurs d'enfantement arrête un palmier pour secouer. « Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai vu un jeune au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc, cet être-là qui entre ses jambes vient de lui dire, mange et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai vu un jeune au tout miséricordieux. Donc, cet enfant-là, appelé Issa, Dès sa naissance, quand il sort du ventre, sa tête qui est dehors, il est en train de bavarder. Il pousse sa maman à mentir. Puis elle vint auprès des versets 27 de cette sourate de Marie. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Donc elle a accouché. Donc nous voyons effectivement ici, en comparant à la lecture biblique, nous voyons effectivement que ça n'a rien à voir avec la Marie ni l'annonciation de ce qui est écrit dans le livre de Luc. Nous allons effectivement voir le livre de Luc tout à l'heure. Finissons ici. Il dit, la Bible, verset 27 dit, « Puis elle vint auprès des siens en le portant. » Il dit, « Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. » Verset 28, « Sœur d'Aaron, de Haroun, sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Arrêtons encore dans le verset 28 et commentons ceci. Souvenons-nous que le principe du Coran, ça veut dire récitation ou bien lecture. Le principe du Coran est clair et les musulmans sont d'accord pour dire que chaque lettre, chaque chose qui soit sortie ici, ça sort de la bouche d'Allah. C'est ce qu'ils disent. Donc l'ange disait exactement, le prophète répétait exactement ce qui est sorti de la bouche d'Allah. Donc c'est Allah qui a prononcé le verset 28 de la sourate 19 en appelant Marie la sœur de Haroun. Et Haroun ici c'est Aaron qui est le père, quoi, le frère de Moïse. Souvenez-vous que Moïse, son père, était Imram et la femme d'Imram était Jochebed, selon Exode chapitre 6, les versets 20 à 23. Donc, nous voyons effectivement que Marie est appelée ici la sœur de Haroun, donc le frère de Moïse. Or, Imram, d'après le livre de la Bible, dans le livre d'Exode, a eu trois enfants. Aaron, c'est Haroun-ci, Moïse et Myriam, leur sœur. Donc, Allah a fait une confusion, non seulement de peau, mais de parenté, au sujet d'une personne qui l'aurait gardée. Souvenons-nous, on va parler de sa naissance, de la naissance même de Jésus, quoi, de Marie elle-même, de l'immaculée conception dans la vie de Marie, telle que les catholiques enseignent, et que ça se trouve dans le Coran. Puis on va y revenir ici, ça se trouve dans la sourate 3, nous allons y aller maintenant. Maintenant, regardez très attentivement. Donc, Allah vient de confondre, Aaron à la sœur d'Aaron, qui est Myriam dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire également dans Nombre chapitre 26, verset 59 et suivant, vous voyez effectivement que Allah vient de confondre Myriam, enfin, parce que le radical, le mot Marie et Myriam, c'est la même chose. En fait, si vous lisez dans la version arabe de ces versets-ci, on parle effectivement de Myriam. Donc, c'est Mariama, exactement comme la sœur de Moïse. Donc, Allah a confondu. Allah s'est trompé. Continuons seulement. Verset 29, elle fit alors signe vers lui. Il dit, Comment parlerons-nous à un bébé? Souvenons-nous, nous avons dit dans la sourate 3 qu'effectivement, elle avait promis, d'ailleurs, la sourate 5, elle avait promis à Marie qu'il va lui faire don d'un enfant qui va parler au berceau. Verset suivant, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc depuis la naissance, Allah, quoi, Issa dit que Allah lui a donné le livre. Il dit lui a donné, pas que va lui donner. Donc Issa a reçu un livre. Or, le Jésus de la Bible n'a jamais reçu de livre. Quand Salomon a écrit ses livres dans Ecclésiaste chapitre 12, il a dit effectivement que tous les livres de la Bible là sont comme les clous pointés dans un seul mur, pas un seul maître. Dans le cas de Moïse, de Exode chapitre 32, versets 15 et 16, la Bible déclare que Dieu lui-même a écrit sur les tables de pierre données à Moïse. On dit que l'écriture était l'écriture de Dieu et le doigt était le doigt de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 8, Dieu va demander à Ésaïe d'écrire ces choses-là, de proclamer pour que ce soit des témoignages pour les générations futures. Dans Daniel chapitre 12, les versets 4 et les versets 9, la Bible déclare, quand l'ange parle à Daniel, il dit que seule cette parole-là, c'est pour l'époque de la fin, les gens liront et la connaissance augmentera. Dans Jérémie au chapitre 36, les versets 1 à 2, la Bible déclare que Dieu a demandé à Jérémie d'écrire. Plus tard, le roi va prendre ce livre-là, brûlé. Il va encore dicter les mêmes choses à Baruch d'écrire. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, il a dit ce que tu vois. Quand le Seigneur Jésus va se révéler à Jean, il va dire ce que tu vois. Écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Au chapitre 2, il va dire écris à l'ange de l'église ici. Vous voyez, au dernier chapitre, il a dit que c'est moi qui ai envoyé mon ange dans l'église pour attester ces choses dans les églises. Après, il va dire heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de ces prophéties, de ces livres. Donc, il y a le témoignage dans la Bible que Dieu a écrit la Bible elle-même. La Bible elle-même a été écrite, a été sous l'inspiration de Dieu, parce qu'on voit l'ordre d'écrire dans chaque Bible. J'aurais pu prendre tous les prophètes comme ça et monter effectivement dans les prophètes où Dieu a demandé d'écrire, a ordonné d'écrire et de garder. Donc, et nous voyons ici donc que le Issa ici, bébé, dit que Dieu lui a donné un livre. C'est pour ça que la théologie musulmane va toujours dire que Dieu lui a fait descendre sur lui le livre. Mais plus tard, dans un autre passage, il va dire que Dieu lui a appris la sagesse, Dieu lui a appris la Torah pour qu'il est venu confirmer la Torah qui était avant lui et puis le livre. Quel livre? Le Injil. Et le Injil, c'est l'évangile qui a été prêché, la bonne nouvelle qui a été prêchée par Jésus. Et la bonne nouvelle, effectivement, concerne Jésus. Donc, vous voyez effectivement le mélange comme ça. En fait, de toute façon, ce n'est pas la même personne. C'est ça que nous voulons établir. Le verset suivant, il dit que m'a désigné prophète. Verset 31 de Sourate 19. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et le prélèvement purificateur. Dans cette version, si on dit le prélèvement purificateur. Dans une autre version, la traduction dit où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a prescrit. Donc, Allah aurait prescrit à Issa que tant qu'il vivrait, il faut qu'il prie et qu'il prélève le prélèvement purificateur. Ce prélèvement purificateur, dans une autre version, on appelle ça la zakat. Or, la zakat apparaît dans plus de 80 versets dans le Coran. Et ça a été instauré, c'est une taxe qui a été instaurée par Mohamed 600 ans après Jésus. Mais cet enfant, il semble dire que Dieu Allah lui aurait prescrit la prière et la zakat. Maintenant, arrêtons-nous encore pour commenter quelque chose. La théologie musulmane dit que Jésus n'est pas mort. Enfin, une branche de la théologie musulmane dit comme ça. Mais d'autres branches, par exemple les Ahmadiyya, dit quoi effectivement que Jésus est mort, mais pas à la croix. On va revenir dans leur cas. Maintenant, ceux-ci disent que dans ce même Coran, si on dit que Jésus n'est pas mort, donc nous convenons ici que le verset se dit que tant qu'il va vivre, il faut qu'il prie, il prélève et le prélèvement purificateur dans la zakat. Nous sommes d'accord que cet Issa du Coran n'est pas mort et il a été élevé vers Dieu. Donc là où il se trouve, il est censé prier et prélever la zakat. Je veux que vous m'expliquiez ça, mes amis musulmans. Et la bonté envers ma mère, verset 32, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Mais c'est quand même terrible. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc ici, la Bible déclare, enfin, le Coran déclare sur verset 24 au verset 34 que Issa est fils de Marie et il est la parole, il est parole de vérité. Il dit donc, il doute. Verset 35 dit donc, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Allons-y dans le livre de Luc maintenant au chapitre 1. Comparons donc ce personnage donc à la naissance de... Nous avons vu effectivement ce qui est écrit là-bas. Et nous voyons effectivement que dans ce Coran, on a envoyé l'ange Jibril pour dire à Marie. Et souvenons-nous, c'est une révélation qu'il aurait reçue et soit envoyée de Dieu. Maintenant, si c'est le même ange qui est allé, si c'est le même ange qui est allé chez Marie 600 ans plus tôt, ou bien 630 ans plus tôt, aller dire à Marie à Bethléem, dans son village, qu'il va avoir, elle va avoir un enfant. Comment se fait-il que cet ange vient raconter autre chose, suivant le langage? Et vous allez voir effectivement que le langage et des personnages de la Bible, que ce soit Marie, que ce soit Jésus, le Jésus de la Bible, que ce soit les apôtres, que ce soit les juifs, que ce soit les pharisiens, que ce soit les et tous les personnages de la Bible, les langages dans le Coran ne sont pas identiques. Donc, quand vous lisez le Coran, vous entendez des voix qui sont différentes de la voix de ceux qui parlent dans la Bible, même si on met le nom. Et nous allons voir effectivement que les personnages de la Bible, nous allons prendre personnage après personnage et voir les anomalies entre les personnages de la Bible et les personnages du Coran pour établir effectivement que ces deux livres-là enseignent des choses contraires et sont inspirés par des personnes contraires. L'évangile selon Luc au chapitre 1, lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 38 et lisons cette histoire de la... de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, de l'annonce d'abord, l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare au verset 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il n'y a rien de tel comme ça dans la Bible, dans le Coran. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Donc nous voyons effectivement que le nom de la vierge était Marie. Donc la description est précise. 1. Marie est vierge. 2. Elle est fiancée. 3. Le nom, elle est de la maison de David. 3. 4. Elle est, le nom, ça s'appelle Marie. Et puis, elle était fiancée à un homme. Et plus tard, on va donner que son nom, c'est Joseph. Nous voyons effectivement qu'il n'y a rien de tel ici. Jusque-là, ce n'est pas la même chose. Jusque-là, ce n'est pas encore grave. Mais dans la Bible déclare verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Maintenant, dans la version coranique dit que Dieu l'a élu au-dessus des femmes des mondes. C'est le monde au pluriel. Le monde au pluriel. Les mondes. Comme ils disent aussi, les diables. Donc, il y a plusieurs diables chez eux. Il y a même la différence entre diable et iblis. Un temps, le diable, c'est iblis. Un temps, les diables sont confondus au démon. Il y a plusieurs diables là-bas. Et vous ne verrez, nulle part dans la Bible le diable avec S. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, maintenant, verset 28 ici. L'ange entra chez elle et dit... Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais quand même, c'est un terrible. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je veux que vous trouviez le langage. Mais dans le Coran, ça sera l'oppression. Il faut te prosterner, soit parmi les prosternés, soit parmi ceux qui te prosternent. Prosterne-toi avec les gens, soit soumise. Alors que Marie, effectivement, a trouvé grâce devant Dieu ici. Donc, vous voyez effectivement que le langage de Dieu n'est pas autoritaire. Le langage des anges n'est pas autoritaire. Le langage de Jésus même n'est pas autoritaire. Il ne s'impose pas par l'autoritarisme comme le Coran le fait. Maintenant, regardez ici, verset 31. Et voici... Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, en grec, en français, c'est écrit Jésus. En araméen, en grec, c'est Jésus. En araméen, c'est Yahushua. Maintenant, le nom est Yahushua. Ici, l'ange ne donne pas la désignation de son nom. Regarde, verset 32 dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé, c'est l'ange, c'est le Gabriel qui inspire le Coran et qui dans le Coran dit que Dieu n'a pas de fils, qu'il dit ici au verset 32 que l'enfant qui naît appelé Jésus sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Rien de tel comme ça dans la Bible. Rien de la lignée davidique dans la Bible. Rien de la parenté de David dans la Bible par rapport à Jésus, par rapport à Joseph, ni par rapport à quoi, ni par rapport à Marie. Rien de la lignée. Mais des tas de confusions pour montrer effectivement que ce n'est pas le même personnage. Continuons dans le Coran avant de revenir dans la Bible. Nous voyons effectivement des indices que, à partir d'ici, nous pouvons conclure déjà un. Que la maman de la personne qu'on appelle Issa est différente de la maman de Jésus. Donc, nous sommes en train de suivre son CV. Donc, Marie de la Bible déjà est différente de Marie du Coran, pour commencer. Parce qu'en fait, le mari du Coran là-bas est sœur d'Aaron. Le mari de la Bible ici, là, nous voyons effectivement que son père c'était Joachim et sa mère était Anne. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Nous voyons effectivement ici que le mari, cette Marie du Coran a un fils qui s'appelle Issa, pas Yahshua, comme on va y revenir tout à l'heure là. Donc, lisons la Sourate chapitre 3. Lisons la Sourate chapitre 3 maintenant. Sourate chapitre 3. Alors, c'est dans la Sourate, chapitre 3. Lisons à partir du verset 35. Ça sera intéressant là. Sourate, chapitre 3. Lisons à partir du verset 35. Regardez. On va lire et ça va nous conduire vraiment à beaucoup de travail ici maintenant. Lorsque la femme d'Imram dit, écoutez très bien ce qui est écrit. Lorsque la femme d'Imram dit, Le mot c'est la femme d'Imran, donc l'épouse d'Imran, dit, Seigneur, je te veux libérer de tout autre lien ce que porte mon sein. Donc c'est la femme d'Imran qui est en train de parler de quelqu'un qui se trouve dans son ventre à Allah, en disant qu'il va vouer cette personne-là à Allah. Souvenez-nous, on veut parler comme ça de la naissance de Marie ici. Donc d'après cette sourate, on a de parler de la maman de Moïse, quoi, de Marie, qui serait la mère d'Issa ici. Lors la femme d'Imran dit, Seigneur, je te veux libérer de tout autre lien ce que porte mon sein. Accepte-le de moi. Tu es l'entendant, le connaissant. Verset 36. Seigneur, s'écria-t-elle quand elle l'eut enfanté. J'ai mis au monde une fille. Allah le savait bien. Le mâle n'est point comparable à la femelle. Je la nomme Marie, ajouta-t-elle. Et la mets, elle et sa postérité, sous ta sauvegarde contre Satan le lapidé. Donc maintenant, analysons maintenant. D'après ce Coran-ci, d'après le verset 35 à 36 jusqu'à là que nous avons lu, la femme d'Imran serait la mère d'Issa. Puisqu'on parle au verset 36 que j'ai la nomme Marie, et on parle de qu'elle est pour le préserver contre le Satan le lapidé. Donc, qui est cet Imran? Si nous lisons Exode chapitre 6, le verset 20, cet Exode chapitre 6, verset 20 dit Amram, parce que Amram, la femme d'Imram en arabe ici, il s'agit d'Amram dont la Bible parle dans Exode chapitre 6, verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Le verset là continue en disant que les années de vie d'Amram furent de 137 ans. Donc même si on multiplie par 10, ça ne peut pas faire transporter de Exode chapitre 6 jusqu'à le livre de Luc chapitre 1. Remarquez très bien qu'au verset 23, la Bible déclare que Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab. Donc vous voyez effectivement que dans Nombre chapitre 26, verset 59, il est dit que le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi. Je veux que vous souligniez bien le mot Lévi. Fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Donc, Lévi est né en Égypte quand les Juifs étaient encore en Égypte. Donc, l'événement d'Exode chapitre 6 et l'Exode chapitre 20, 26 racontent la naissance de ces gens-là en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Donc, nous sommes encore ici dans un endroit où, on va y revenir dans ces choses-ci, où Allah confond la mère de Moïse, la mère de Myriam, c'est-à-dire la mère de Moïse, à la mère de Marie, mère d'Issa. Nous voyons effectivement que ce n'est pas le même personnage dont la Bible parle. Continuons la lecture ici dans ces versets 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. Nous voyons effectivement que Zacharie ici c'est le père de Jean-Baptiste. Donc il n'y a pas de confusion. Ici, il s'agit de Marie, parce que la Bible déclare que Marie et Élisabeth étaient parentées. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de cet événement. Il veut essayer de raconter cet événement. Nous voyons effectivement que c'est un esprit de mensonge et de confusion qui se trouve dans le Coran. Remarquez bien, il dit, et il confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entre auprès d'elle dans le sanctuaire, d'après ceci, Marie se trouverait dans le sanctuaire. Allez regarder l'histoire juive et regardez où se trouvaient les femmes. Dans le sanctuaire, c'est terrible. Il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Oh Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient de Allah. » Il donne la nourriture à qui il veut, sans compter. C'est alors que Zacharie invoqua Allah. « Seigneur, accorde-moi une descendance vertueuse. Tu es celui qui entend la prière. » Les anges l'appelaient tandis que debout, il priait dans le sanctuaire. Allah t'annonce la naissance de Jean, ouais, c'est Yahya ici, qui confirmera un verbe émanant de Allah. Il sera un chef, un homme chaste et un prophète. Donc sans ambiguïté, il est établi ici qu'on parle de la naissance de Marie, mais on dit que c'était la femme d'Imran qui l'a accouchée. Donc d'après ce verset et d'après ce que nous avons lu dans la sourate de Marie au chapitre 19, nous voyons effectivement que Imran, qui est le père de Moïse, aurait enfanté la mère de Jésus. Ce n'est pas la même personne dont nous parlons, mon cher ami. Ce n'est pas la même personne. Or, maintenant, si vous regardez, Jésus est issu de la tribu de Judas. Si vous regardez Apocalypse chapitre 5, le verset 5, la Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Judas, pas de Lévi. Parce que ici, dans Nombre chapitre 26, verset 59, qui est cité tout à l'heure, on dit que Jochebed était fille de Lévi. Parce que ici, on parle que Jochebed est la femme d'Amram. Et c'est Jochebed là, on dit ici dans ce verset 35 du Coran que la femme d'Imram, donc Jochebed, était la mère de Marie. Or, l'histoire montre clairement que dans Sourate chapitre 19, verset 28, où on appelle Marie la sœur d'Aaron, et au chapitre 3, verset 35, c'est que la femme d'Imran est la mère de Marie. Nous voyons effectivement que le père de Marie s'appelait Élie, ou bien Joachim, et sa mère s'appelait Anne, qui n'a rien à voir avec Imran, père d'Aaron et de Myriam. Donc, on voit effectivement que dans ce verset 35, il est écrit « épouse d'Imran ». Non, mais c'est très grave. C'est très grave. Ils ont fait la même erreur. Allons-y au chapitre 66. Allons dans la Sourate, chapitre 66. Pour voir qu'à chaque fois, quand ils partent de Marie, ils font les erreurs. Allons au chapitre 66 de la Sourate 66. Disons le verset 12, voir avant de revenir dans cette Sourate. Regardez comment c'est écrit. Sourate, chapitre 66. Le verset 12, le Coran dit, de même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous lui insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Donc, d'après la Sourate chapitre 66, le verset 12, il est clair que chaque fois Marie est appelée comme la fille d'Imran. Donc, ça veut dire que c'est la fille d'Imran. Parce que dans le chapitre 3, verset 35, on a dit que c'est la femme d'Imran qui était enceinte de Marie. Donc, c'est clair d'après le Coran que le père de Marie, qui est la mère d'Issa, c'est le père de Moïse. C'est le père d'Aaron, c'est le père de Maria, leur sœur. Donc, nous voyons effectivement que le Coran confond Marie, la mère de Jésus, à la sœur de Moïse. Ça, c'est clair. Et nous voyons effectivement qu'il plaçait Marie ici au temps de Jean-Baptiste, au temps de Zacharie. Et nous voyons effectivement qu'il n'y a rien dans l'histoire d'Aaron et de Moïse qui raconte un certain Zacharie qui sera aux côtés d'eux. Parce que, un, il n'y avait pas de sanctuaire en ce temps-là où Zacharie pouvait entrer, sauf seuls les fils d'Aaron entraient à ce moment-là parce qu'il y avait Abinadab, quoi, quatre fils d'Aaron étaient là avant le veau d'or. Donc nous voyons effectivement que, déjà, un, avec cette CV, première étape de CV, là, c'est clair que Mariam, tel que le Coran déclare, n'a rien à voir avec la Marie de la Bible. Donc nous allons continuer. Continuons le CV. Regardons dans le chapitre 63, toujours, enfin chapitre 6, chapitre 5, 3 de la famille d'Imran. La famille d'Imran, en fait, effectivement, la Sourate 3 dit la famille d'Imran. Ils n'ont même pas honte d'intituler la famille d'Imran. Pour montrer effectivement qu'ils sont, ils sont vraiment dans la fausseté. Regardons ce qui est écrit. Verset 42 maintenant. Passons au verset 42 du chapitre 3 du Coran. Chapitre 3. Verset 42 dit, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, certes, Dieu t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Mais c'est terrible, j'ai dit ça tout à l'heure. Des maris au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur. Prosterne-toi, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Vous voyez effectivement que la dictature et l'esprit de dictature, de l'autoritarisme dans le Coran. Marie était une femme vertueuse, telle que la Bible le déclare. Et tous les juifs se prosternaient. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de rébellion par rapport à la prosternation. Ils adoraient, ils connaissaient le vrai Dieu. Donc vous voyez, celui-ci veut toujours montrer effectivement son autoritarisme parce qu'il veut à tout prix faire soumettre les gens. C'est cet esprit de l'islam. L'islam, la soumission. La soumission. Regardez bien verset 44. Ce sont là les nouvelles. Écoutez très bien, c'est le langage. Ce sont là des nouvelles d'occultes que nous te révélons. Vous voyez ça? Donc c'est l'occultisme. Car tu n'étais pas là lorsque j'étais leur calame pour décider qui se chargerait des maris. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Verset 45. Rappelle, lorsque les anges disent ô Marie, écoutez bien encore, écoutez les ambiguïtés et les bêtises dans ces versets-ci. Ô Marie, Allah t'annonce comme bonne nouvelle un verbe émanant de lui dont le nom sera Al-Mashih, Issa, fils de Marie. Donc vous voyez que d'après le Coran, cette parole est sortie de la bouche de Allah. Et Allah est en train de déclarer à Marie qu'il y aura un fils qui va sortir d'elle appelé fils de Marie. Mais c'est quand même terrible. Donc je viens te voir, je t'annonce que ma soeur, toi qui es devant moi, qui t'appelle par exemple Aïssatou, tu vas avoir un enfant et son nom sera par exemple Ibrahim, Ibrahim fils d'Aïssatou. Et c'est à toi qu'ils sont les 10 là. Mais si l'enfant naît de toi, c'est ton fils. Allah, donc c'est ce qu'Allah déclare ici. Regardez encore verset 45 du Sourate 3. Rappelle, lorsque les anges disent, ô Marie, Dieu t'annonce comme bonne nouvelle un verbe émanant de lui dont le nom sera loin. Loin c'est Al-Mashih, Issa, fils de Marie. C'est à Marie que l'ange a parlé que l'enfant qui va naître de toi, c'est ton fils. Il sera illustre en la vie d'ici-bas et dans la vie future et comptera parmi les rapprochés du Seigneur. Il parlera, j'ai dit ça tout à l'heure, il parlera aux gens dans le berceau et son âge et en son âge mûr et il sera du nombre des gens des biens. Regardez très bien, c'est la même histoire et c'est comme ça le principe dans la Bible. La même histoire revient chaque fois. Quand vous allez lire l'histoire de Moïse et de Pharaon, c'est disséminé partout. C'est la même chose qui revient pour remplir les gens des oreilles, les gens et embrouiller les gens. C'est la même chose sur les boutins, la guerre, les mêmes choses qui vont revenir plus tard. L'histoire de Pharaon par-ci, disséminée par là, de Noé par là, de Lot par là, de Daoud par là, c'est pour embrouiller les gens. Donc la même chose que nous avons lu dans la Sourate, chapitre 19, la même chose est réitérée ici. Et chaque fois, les mêmes bêtises, ils ne corrigent, ils n'osent même pas corriger. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de confusion qui a inspiré cela. Verset 47, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant? Aucun homme ne m'a touché. C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement soit et elle est aussitôt. C'est ce qu'on appelle la kun fayakun. Donc maintenant, verset 46, 48 dit, et Allah lui enseignera l'écriture, virgule, la sagesse, virgule, la Torah, virgule, et l'évangile. Or, dans ce sourate, chapitre 19, on a dit effectivement que l'enfant est sorti, quand l'enfant est sorti de ce ventre de Marie, elle a dit que Dieu lui a donné le livre. Quel livre Dieu lui a donné? On dit ici que Dieu lui enseignera. Et dans ce verset-là, on dit que Dieu lui a donné le livre. Ici, on dit que Dieu lui enseignera l'écriture, virgule, la sagesse, virgule, la Torah. Or, si vous regardez, la sagesse a été accordée à Salomon dans l'une des 1 Roi chapitre 11 et suivant, lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu. Mais à Issa ici, on doit enseigner plutôt la sagesse. Et le Jésus de la Bible, parlant de Salomon, a dit, il y a ici plus que Salomon, comparant la sagesse de Salomon, dont la reine Saba était venue pour entendre, il avait entendu les parler de la sagesse de Salomon. Maintenant, il dit que pour Salomon, que Dieu lui a accordé la sagesse, il est ici plus grand que Salomon, pour parler de la sagesse. Ici, le Coran dit que Issa, c'est Dieu, Allah qui a enseigné la sagesse à Issa, donc Issa n'était pas sage, il fallait qu'on lui enseigne la sagesse. Et parallèlement, le Coran dit que Allah, que Issa est la parole de Dieu, est la parole de Dieu. En arabe, vous allez remarquer donc que dans le Coran, il est écrit, comme je viens de dire, que Allah a dit que Issa est la parole de Dieu. L'esprit de Dieu dans la Bible est totalement dans l'écriture hébraïque. Si les musulmans avaient besoin de comprendre, ils devraient plutôt se référer à l'écriture hébraïque, si les chrétiens les embrouillent. Parce que l'esprit de Dieu, en hébreu, c'est Ruach Elohim. En aucun cas, ça ne se réfère à l'ange. Et ils vont dire que nous vont parler d'Issa, que nous le fortifions de notre esprit. De notre esprit, donc c'est Gabriel qui est venu le fortifier. Mais la Bible déclare que Jésus est rempli de l'esprit, Jésus est rempli de l'esprit. Donc, beaucoup de Gabriel étaient entrés dans Jésus. Que Dieu vous vienne en aide. Maintenant, voici ce qu'il écrit, voici ce qu'il dit, c'est Issa là au verset 49. Et il sera le messager au fils d'Israël. Je crois que ceci a été là réglé. Parce qu'eux disent, il est au messager au fils d'Israël. Dans ce livre que nous avons lu à l'entrée ici, dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 34, nous avons vu effectivement comment le prophète Siméon a dit qu'il il vient pour restaurer le peuple d'Israël et il est la lumière du monde. Donc les deux missions de Jésus sont bien contenues dans ce verset-là. Mais ici, ils font tout et tout pour occulter la mission de Jésus-Christ universelle, de façon universelle. Mais il dit seulement qu'il est venu au fils d'Israël et leur dira en vérité. Donc voici ce que Jésus-Christ est censé apporter aux musulmans. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc Jésus va prendre la terre de l'âge, il dit qu'il vient en faire cela, il fait la terre, il souffle dedans. Donc Jésus, c'est un magicien. Vous pensez que le Seigneur Jésus faisait cela? Non. Vous voyez effectivement que la façon de faire, la façon de parler, la façon d'agir dans le Coran, des personnages totalement, de tous les personnages cités ici sont totalement différents. Nous allons toucher le cas de Moïse et d'Ibrahim. D'Ibrahim, avec leur nom totalement dans le Coran et dans la Bible, nous allons faire la même chose. Restons sur le cas d'Issa et de Jésus. Suivons toujours son CV. Et la Bible, le Coran déclare, et j'ai guéri l'aveugle né et le lépreux. Donc c'est ce qu'il venait de dire aux Juifs. C'est ce que le Issa du Coran disait. Il dit qu'il suis venu avec ses preuves là, par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Donc, il fait même de la divination du temps. C'est qu'il peut vous dire, si vous avez mangé le ndolé chez vous, il vous dit que vous avez mangé le ndolé. Si vous avez mangé le mbongo, il vous dit que vous avez mangé le mbongo chez vous. Vous avez amassé chez vous, tu as gardé une telle quantité de dinars chez toi. Il te le révèle. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyant. Verset 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ou bien le Issa d'ici, est censé confirmer la Torah qui est révélée avant lui. Et je vous rends lissé une partie de ce qui était interdit. Et j'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur. Craignez donc Allah donc, et obéissez-moi. Donc, vous voyez effectivement que. Et il continue en disant que Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le. Donc, voilà le droit chemin. Donc, nous voyons effectivement que la parole de Dieu. qui est contenu dans la Bible ne dit jamais ce genre de langage, ne tient jamais de langage de Jésus. Mais qu'est-ce que le Coran va dire? Le Coran va dire des choses que Jésus a dit et que nous ne trouvons nulle part. Et ceci, c'est 600 ans plus tard, alors que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit. Et on dit que c'est le même ange qui est venu révéler à Marie dans le livre de Luc, puisque le livre de Luc était déjà écrit longtemps avant et tous les manuscrits étaient déjà établis. 600 ans, donc 600 ans plus tard, le même ange, soi-disant, vient encore parler et raconte les histoires différentes. 1. Marie n'a pas accouché à Bethléem. Il n'y a pas de trace de Bethléem là-bas. 2. Regardons la naissance de Jésus. Regardez là, le lieu et les circonstances. Allons dans le livre de Luc au chapitre 2 cette fois-ci. Luc au chapitre 2, versets 1 à 7. Et regardons bien effectivement comment le Coran a situé la chose. Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Qu'est-ce que ça dit? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc, on donne avec la date et le lieu et le nom des personnages. Donc, ici, c'est vérifiable selon les Écritures, selon l'histoire. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, voilà le nom. Joseph, Youssouf. Le seul Joseph là-bas, Youssouf, dans le Coran qui est nommé là-bas, c'est le fils du patriarche Jacob, Jacob. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4. Joseph aussi monta de la Galilée. De la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc, Joseph, l'époux de David, l'époux de Marie, était de la maison de David, donc la famille de Bethléem. Or, pourquoi Bethléem? En fait, c'est parce que Bethléem veut dire en hébreu la maison du pain de Dieu. Et c'est le symbole même du pain de vie qui est donné au monde. Parce que c'est effectivement là où Jésus devrait naître, pour symboliser qu'il est le pain de vie, qui vient pour donner la vie au monde. Voilà pourquoi, comme ils ont dit ici dans le Coran, que c'est les choses occultes qui sont en train de raconter. Ils sont en train d'occulter les choses. Dans ce Coran au chapitre 3, le verset 44. Donc ici, il dit, à Bethléem, parce qu'il était de la maison de David et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La Bible nous a dit 600 ans plus tôt que Marie a accouché dans l'étable à une crèche. Le Coran nous a dit que Marie a accouché sous un palmier. Elle était seule, elle est rentrée avec son enfant seule. Ici, on voit effectivement que son mari était là. Et la Bible déclare verset 8, et il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Remarquez bien comment chaque fois les anges parlent et parlent aux hommes. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le rencontrerez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit clairement ici, là où Jésus est né, comment il est né, on a donné le signe. Maintenant, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre, lisons le verset 11. Regardons, le verset 11 dit, et c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans la ville de David, c'est là où Jésus est né. Ici, on parle de sous le palmier, quelque part à l'est. Il n'y a pas de mention de la ville de David, ni quoi que ce soit. En fait, personne. De toute façon, c'est les deux lieux sont totalement contraires. Les circonstances des nations sont totalement contraires. Il n'y a que deux solutions. Soit la Bible est fausse, ce qui n'est pas le cas parce que c'est elle qui a raconté l'histoire et donc l'histoire même le confirme. C'est elle qui raconte, qui a narré l'histoire et donc les documents historiques peuvent confirmer cela parce qu'on parle sous tel ou tel roi au temps d'Auguste et ainsi de suite. Ici, il n'en est rien parce que personne ni rien ne peut confirmer. Un, ce n'est que Mohammed qui a dit qu'il était le prophète. Ce n'est que Mohammed qui a dit que c'est Allah qui lui a dit. Ce n'est que Mohammed qui a dit qu'un ange lui a déclaré cela. Et ce n'est que lui qui est le seul. Alors qu'ici, Luc a fait des recherches exactes au sujet de ce Jésus-Christ-là. Parce que Luc a écrit longtemps après les événements. Donc, il a pris les frais historiques. Quand vous n'aimez pas son introduction. Donc, Luc a fait la recherche et tous les témoignages, y compris les prophètes, même Dieu a témoigné de cette naissance-là parce qu'il a été écrit que la Vierge enfanterait. Tout est arrivé à point comme en harmonie, comme Dieu l'avait prédestiné. Maintenant, qu'est-ce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2? Dans Matthieu chapitre 2, nous voyons effectivement que les mages vont venir de l'Orient pour adorer le roi des Juifs qui est né. Et cette parole-là a été dite clairement dans ce Matthieu chapitre 2. On dit que Nous avons vu ça dans les deux premiers enseignements. On a vu effectivement que c'était à Bethléem, en Juda, comme Michée chapitre 5, verset 1 le dit. Or, lisons Jean chapitre 7, verset 40 à 43 pour voir ce que les Juifs, eux, ils disaient. Jean chapitre 7, verset 40 à 43. Le livre de Jean, chapitre 7, verset 40 à 43. Est-ce que les Juifs connaissaient comment le Messie devait venir, où le Messie devait venir, pour que les Arabes puissent venir expliquer plus tard? Voici un Arabe qui sort longtemps, loin de l'Arabie, loin de Jérusalem, ne connaissant rien de la culture juive, il vient raconter des bobards pour mentir les gens, pour embrouiller les gens. Donc, Jean chapitre 7, le verset 40 à 43 dit, « Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Vous voyez, verset 43, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Exactement tel que nous avons vu effectivement dans le livre de Luc, dans l'entrée ici, chapitre 1, verset 34. Donc nous voyons effectivement que les Juifs savaient d'après les Écritures où le Christ devait naître. Ces personnes suivent dans ce Luc-ci, enfin dans ce livre de Coran, vont nous raconter les histoires en disant que c'est comme ça que il est né sous le palmier. Et si vous lisez l'histoire de Zacharie également, même dans ce même surah chapitre 3, verset 41, vous allez vous rendre compte que Zacharie va rester muet pendant 3 jours. Alors que la Bible dit dans ce Luc chapitre 1 qu'il est resté muet jusqu'à la naissance de Yahya, de Jean le Baptiste. Donc il y a des aberrations, nous allons voir cela. Or, quel est le but pour lequel le Coran fait cela, l'auteur du Coran fait cela? C'est pour créer la confusion et la confrontation. C'est la prophétie biblique qui les accomplit toujours. Maintenant, nous avons vu effectivement, en résumé jusqu'ici, nous avons vu que 1. La personne de la maman de Jésus n'est pas la maman de Issa. Donc, on arrive à la conclusion que Marie de la Bible n'est pas le mari du Coran. 1. De deux, le Issa jusqu'ici, Issa du Coran, il y a deux lieux de naissance pour une même personne, ce qui n'est pas possible. Cette personne-ci n'est pas la même personne parce qu'on dit clairement qu'il est sorti sous le palmier, alors qu'ici il est sorti dans la crèche. Ça ne peut pas être la même personne sur ces bases-là. Donc, sur ces trois bases-là, ça n'est pas la même personne. Ici il est né dans le désert sous un palmier, ici il est né dans la crèche, ce n'est pas la même personne. Le langage qu'il tient dans le Coran n'est pas le même langage que dans la Bible. Lisons le témoignage des Juifs sur Issa. Qu'est-ce que les Juifs disaient de Issa? Regardons Sourate 4. Sourate chapitre 4. Allons-y dans le Sourate chapitre 4. Dans le Sourate les femmes. Lisons le verset 155 à 160. Qu'est-ce que ça dit? 155 à 160. Pour avoir violé leur engagement, nié les signes de Allah, assassiné sans droit les prophètes, pour leur parole. Regardez, si on peut prendre à partir du verset, continuons là. Pour avoir violé leur engagement, nié les signes d'Allah, assassiné sans droit les prophètes, pour leur parole, nos cœurs sont opaques. Alors qu'en réalité, c'est Allah qui les avait scellés en raison de leur incrédulité. Nous les avons maudits. Écoutez très bien, c'est ce qui est écrit ici. Nous les avons maudits. Et rares sont ceux qui, parmi eux, ont la foi. Verset 156, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Regardez, suivez attentivement. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Donc, ils sont des Allah, d'accuser comme ça les Juifs, que les Juifs prononcent des mensonges contre Marie. Écoutez, verset 157. Et à cause de leurs paroles, voici les paroles. Nous avons vraiment tué le Messie. Nous avons vraiment tué le Messie, Issa, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Nous allons revenir sur la crucifixion plus tard pour monter avec les Hamadiyah qui veut dire effectivement qu'il a été crucifié, mais il n'est pas mort. Mais ce n'est qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Regardez ce qui est écrit ici. Dans ce verset 157, continuons verset 158 avant de commenter. Verset 158, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Verset 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura foi en lui avant sa mort. Mais c'est quand même curieux. Quelle belle promesse ici. Enfin, il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne doit pas avoir foi en Jésus-Christ avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Verset 160, enfin, donc à raison d'une iniquité imputable aux tenants du judaïsme, nous leur interdîmes des choses bonnes et qui leur étaient licites. Et ce fut aussi à raison des obstacles que souvent ils élèvent sur le chemin d'Allah. Maintenant, regardez bien, regardez très attentivement. Le verset 157 dit clairement que Allah ne dit aux Juifs qu'il les a maudits à cause de leurs paroles qu'ils prononcent et mentent contre Marie en disant nous avons tué, vraiment tué le Christ, enfin, Al-Mashiach, Issa, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, maintenant, si vous lisez le témoignage de Thomas dans Jean chapitre 20, vous allez effectivement voir que ce n'est pas les Juifs qui ont tué, ils n'ont jamais dit qu'ils ont tué le Christ, jamais. Ils n'ont jamais déclaré cela dans Luc chapitre 22, verset 69, 66 à 69, vous pouvez vérifier. Thomas dit qu'ici ne voit pas le clou, la marque des clous, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si on lit l'arrestation de Jésus, les interventions de Pilate et autres par rapport à la résurrection, nous voyons effectivement que les Juifs n'ont jamais dit que nous avons vraiment tué le Christ, parce qu'en fait, ils ne croyaient jamais que Jésus était le Christ. En plus, comme le Seigneur dit, les Juifs n'ont jamais admis que Yahushua est leur Messie. Jean chapitre 12, lisons le verset 32. Jean chapitre 12. Nous sommes en train de regarder le CV de la personne de Issa dans le Coran en comparant avec les événements de la Bible. Souvenons-nous, je vous ai dit, donné un principe dans les premières éditions, que c'est notre Injil, notre Bible à nous, que les musulmans utilisent pour essayer de convaincre que c'est eux qui ont raison, pas une autre Bible. C'est pour ça qu'ils prennent cette Bible pour montrer effectivement que le Coran a tort et les musulmans ont tort. Vous avez seulement une seule chose, c'est revenu au Seigneur Jésus-Christ. Jean au chapitre 12, qu'est-ce que ça dit au verset... Prenons le verset 32 à 41. Qu'est-ce que ça dit? La Bible déclare, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a prononcé sa parole, le Jésus de la Bible. Il dit, « Quand il sera élevé de la terre, il attirera tous les hommes. J'attirerai tous les hommes à lui. » En parlant ainsi, il indiquait de quel mort il devait souffrir. Quand il parlait d'élevé, élevé voulait dire que quand il va falloir de mourir. C'est ce que la Bible explique. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc, effectivement, c'est ce que les Juifs disaient. Comment donc dis-tu, il faut que le fils de l'homme soit élevé? Qui est ce fils de l'homme? Donc, ils ne comprenaient pas qui il était. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants des lumières. Verset 30, ça continue. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Verset 37. Écoutez très attentivement. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, vous dites ici dans ce Coran qu'ils disent que nous avons tué le Messie, fils de Dieu. Ils n'ont jamais admis que c'est pour ça que les Juifs ne croient pas attendre le Messie. Justement parce qu'ils n'ont jamais admis que Yahushua qui est venu était leur Messie. Ils continuent en disant ici que afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et qui à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Donc, vous voyez effectivement que c'était prophétisé que quand il va venir prêcher, personne ne croirait en lui. Il ne croirait point en lui. Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Maintenant, on dit au verset 42, cependant, parmi les juifs, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Donc, nous voyons effectivement que les juifs n'ont jamais prononcé ça de sa bouche. C'est pour ça qu'il y aura des fausses déclarations comme ça que les musulmans vont prononcer et que le Coran va dire de Jésus. Et vous voyez effectivement, par exemple, que vous allez voir par exemple les appellations comme « Oh, fils d'Israël !»« Oh, fils d'Israël !»« Oh, je suis vraiment le messager d'Allah !» Jésus n'a jamais prononcé cela. Vous allez suivre le langage, il va souvent dire « en vérité, je vous le dis. »« en vérité, c'est le langage de Dieu là-bas. » Traduisait en vérité, en arabe, ça ne donnera pas au fils de Marie, au fils d'Israël. Il n'a jamais dit comme ça. Il n'a jamais dit adorer le Dieu, adorer le Père, adorer moi. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus a son langage à lui. Il est venu, c'est le Dieu d'amour. Il est devenu homme avec nous pour nous montrer effectivement comment adorer le Seigneur. Et la Bible déclare donc que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua. Donc continuons ici dans notre CV. Suivons ce que les apôtres de Issa dans le Coran va dire, dans Sourate 5, la table servie. Souvenons-nous, c'est à cause de leurs paroles même que le Coran, cette Sourate a été révélée. La table servie, donc, verset 111 à 115. Qu'est-ce que ça dit? La table servie. Demandons si la table peut être servie là. Oui, c'est servie. Verset 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, souvenez-vous, c'est Allah qui a parlé, parce que toutes les paroles qui sont ici, c'est des paroles d'Allah. Il n'y a rien, aucun mot qui est ajouté qui n'est pas des paroles d'Allah. Verset 111 donc, de la table servie, donc Sourate 5. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et mon messager. Il dit, nous croyons et atteste que nous sommes entièrement soumis. Vous voyez, donc tout tourne autour de la soumission, autour de l'islam. Il veut parler des apôtres et des islamistes. Verset 112, lorsque les apôtres disent, « Oh, Issa, fils de Marie. » Donc, vous voyez effectivement les apôtres de Jésus l'appelant nulle part. Il n'y a aucune trace de verset biblique dont aucun apôtre n'aurait dit de Jésus, « Tu es Jésus, fils de Marie. » Remarquez bien le respect comment tous les apôtres appellent le Seigneur, maître, rabbi. Regardez ici, on dit, les apôtres ont dit, « Oh, Issa, fils de Marie. » C'est terrible. « Se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Donc, vous voyez, on dit que ce sont les apôtres, donc les disciples principaux du Seigneur Jésus-Christ, qui ont dit que s'il te plaît, fais-nous descendre la table, c'est vrai, fais que ton Dieu nous fait descendre la nourriture, la table qu'on a déjà servie pour que nous mangeons. Et qu'on voit que c'est ainsi. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Verset 113, il dit, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Donc, vous voyez, vous ne venez nulle part comme ça. Les disciples disent de telles choses. Le Seigneur Jésus a appelé chaque disciple. Quand il a appelé Thomas, il est venu. Il a appelé Pierre, il est venu. Il a appelé Lévi, il est venu. Maintenant, il dit ici qu'il faut qu'il croie, il mange la nourriture qui va venir d'Allah avant de croire. Verset 113, il dit, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Issa, fils de Marie, fait descendre du ciel. Donc, maintenant, c'est Issa qui a prié, donc Allah, de faire descendre du ciel sur nous, regardez bien, sur nous, une table servie qui soit une fête, joie, pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Donc, il va faire descendre la table servie sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous, donc, quand il dit, puisque c'est Allah, c'est Yahushua qui a de prier, c'est Issa qui a de prier. Allah dit qu'il va faire descendre sur eux, donc y compris quoi, Issa. Il dit, mais je la ferai descendre sur vous. Verset 115, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtirai d'un châtiment que je n'infligerai à nul autre des univers. Des univers. Donc nous voyons effectivement que cette personne-là de Issa n'est autre personne qu'un dictateur, parce qu'il commande que si vous mangez de ma nourriture qui va faire descendre, vous avez intérêt à croire. Mais regardez Issa dans la, quoi, Jésus dans la Bible, dans Jean chapitre 6, quand il va nourrir les personnes avec du pain, malgré qu'on insultait, il multipliait les gens manger du pain. Regardez la façon dont il est parlé, malgré qu'il le cherchait pour la nourriture, malgré qu'il l'insultait, il le ferait quand même des miracles. Lisons le verset 116, qu'est-ce que ça dit? Lorsque Dieu dit, Issa, fils de Marie, est-il vrai que tu aies dit aux hommes, tenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en place de Dieu? Vous voyez? Donc Allah ne sait même pas que les chrétiens n'ont jamais enseigné que Marie est Dieu. Donc la théologie des marianites qui a tourné autour des siècles proches de la venue de Mohammed, ils ont entendu les fables et raconté les bêtises que c'est Allah qui a dit. Enfin, de toute façon, c'est Allah qui a dit, pas Dieu qui a dit cela. Parce que Allah pose encore la question. C'est comme il a demandé à Issa, si c'est lui qui a dit qu'on associe Issa et Marie à la place de Dieu pour en faire trois. C'est ce qui fait la Trinité non musulmane. La Trinité musulmane, non, ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ça parle plutôt de Dieu le Père, Dieu le Fils et Marie. Donc c'est une femme parmi. Et il dit que c'est le chrétien qui dit ça. Et aucun verset biblique, même les catholiques ne parlent pas de cela. Que Dieu vous pardonne. Donc les marianites ont vraiment troublé Mohammed. Il entendait les histoires ici racontées, il entendait les histoires ici racontées, il entendait les fables ici racontées, ça l'embrouillait comme ça là. Et son esprit finit fait le Congo ça comme ça là, le trompait partout. Voilà comment il a trompé même ici là. Donc maintenant, qu'est-ce que quoi? Issa va lui dire, Issa va dire, gloire à toi, dit Issa, il ne m'appartient pas de dire ce qui pour moi n'est pas une vérité. Si j'avais dit cela, tu l'aurais su. Tu sais qu'il y a en moi, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc voilà. Voilà, Issa, ce qui dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a en Allah. Tu es en vérité le grand connaisseur des mondes. Mais regardez, souvenez-vous de ce verset, c'est qu'Allah pose la question à Issa. Donc Allah ne connaissait pas si c'est lui ou non qui a dit. Comme il dit souvent dans la Bible que Jésus a demandé que où est-ce qu'on a enterré Lazare. Ça montre qu'il était limité. Vous voyez effectivement que quelque chose ne va pas avec les musulmans. Jusqu'ici, donc on voit effectivement que les apôtres ici demande à Issa de faire descendre la nourriture qu'il mange pour qu'il croit, pour que ce soit un signe pour lui. Nous voyons effectivement que ce n'est pas l'onction des apôtres, ce n'est pas la façon de faire des apôtres de la Bible. Donc nous remarquons donc que et la naissance, la mère de Issa dans la Bible est différente de la mère de Jésus dans du Coran. La mère de Issa dans le Coran est différente de la mère de Jésus dans la Bible. Le Issa du Coran, de la naissance, le lieu de naissance, la période de naissance, l'endroit de naissance et les circonstances de naissance de Issa est sont différentes de celles de Jésus, de la Bible. Le témoignage rendu selon les Écritures dans le Coran sont différents de celles rendues par la Bible. Les circonstances entourant ses disciples, ses apôtres dans le Coran, le langage sont totalement différents dans le Coran et dans la Bible. Ce que les Juifs, selon le Coran, ont dit de Issa sont totalement différents de la pensée coranique, de la pensée bibliste par rapport à ce personnage-là. Donc nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette même chose, de ce même enseignement. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie de cet enseignement, nous allons continuer en développant ça plus en profondeur et en voyant certains aspects donc, pour laisser donc, tous les musulmans qui cherchent donc, la vérité à savoir exactement où se trouve la vérité. Retourne dans la deuxième partie de cet enseignement. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Jésus, le prince glorieux. Yeah.